ressenti en fin de journée. Le vent reste modéré de secteur nord-est aujourd'hui. La nuit prochaine, le ciel va se dégager complètement. Il fera frais, 4 à 8 degrés. Puis demain, là, pas de question à se poser. Ce sera plein soleil pour tout le monde, mais avec des températures qui ne dépasseront pas 10 à 15 degrés et un vent soutenu de secteur est. Après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Du handball ou du hip-hop pour tout le monde. Les cours de gym ne devraient pas se donner séparément pour les filles et les garçons. C'est l'idée de la ministre de l'Égalité des Chances en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les premiers concernés, les élèves, ne sont pas contre, les profs non plus. Au procès Westphal, l'avocat de la famille de la victime tente de prouver la culpabilité du mari de Véronique Piroton. Il plaide aussi pour la préméditation de Bernard Westphal. La DER, la dernière course cycliste de Wallonie, Binche, Chim et Binche, vient tout juste de s'élancer. Nous retrouverons Samuel Grulois sur la ligne de départ. Le journal de la mi-journée présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Les cours de gym peuvent être bientôt mixtes en secondaire. C'est la proposition de la ministre de l'Égalité des Chances et des Droits des Femmes à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis. Pour elle, la mixité, c'est une des conditions pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Simon Bourgeois a donc mis ses baskets. Il a suivi un cours de gym à Mons ce matin pour savoir ce que le prof et les élèves en pensaient. Ouais. 17,44. C'est pas mal, grand. Tu peux aller t'étirer. Au programme aujourd'hui, 10 tours du parc. Les premiers sont loin devant, les derniers transpirent. Rien que des garçons, de 5e, le cours est non mixte. Pourtant, eux, ils se verraient bien courir avec des filles. Je vois pas pourquoi l'intérêt de faire des cours différents, de pas être ensemble. Je crois que ce serait bien. On aura envie de bien se dépenser devant les filles, je crois que c'est bien. Et pour vous, c'est une bonne idée un cours de gym mixte ? Oui, ce serait un droit de plus surtout. Et ça fait jamais de mal, un droit de plus pour les filles. Il faut commencer par quelque part et gym serait déjà une bonne chose. 18,50, stop, oh ! Fini, c'est pas mal. Bonne idée pour le professeur aussi. Il a donné cours de gym aux filles et aux garçons en même temps pendant plus de 25 ans. Avant, son école le permettait et il voit clairement une différence de comportement des élèves. En course, par exemple, vu qu'on est en train de travailler en course, bah les garçons souvent tirent les filles. Ça les permet de courir un petit peu plus vite. Personnellement, je trouve que c'est une meilleure solution aussi pour le social. Les garçons sont plus respectueux quand il y a des demoiselles qui sont là. Ils font un peu plus attention. Ça ne peut être que bénéfique. Bon accueil donc chez les principaux. Principaux intéressés, la proposition de mixité est sur la table du gouvernement francophone. La ministre précise que ça concerne bien les cours et pas les vestiaires. Encore un tour si tu veux bien. Et pas encore de date d'entrée en vigueur de cette mesure. Les ministres de l'Égalité des Chances et de l'Éducation en discuteront d'ici la fin de l'année pour faire avancer le dossier. Évacuer l'émotion et préparer les négociations, c'est ce que doivent faire à présent les syndicats d'ING. Pour rappel, la banque supprime 3000 emplois, ferme 600 agences. Elle l'a annoncé hier. Alors ce matin, tous les délégués CNE, les délégués de la centrale employée du syndical chrétien, étaient à Gosselies. Laurence Dumortier, déléguée syndicale chez ING, comme ses collègues, se remet difficilement du choc d'hier, mais elle sait qu'il faudra réagir. C'est un grand choc pour tout le monde. Donc, il y a des agences qui ont débrayé, il y a des gens du siège qui sont partis en pleurant. C'est une catastrophe, quoi. C'était vraiment une catastrophe humainement. C'est très dur. Et donc, la réunion ici, c'était le but de mettre tout ça en commun et de voir ensemble ce qu'on va faire pour les jours qui vont suivre, quoi. On a besoin de temps pour se préparer à ça parce que c'est du jamais vu pour nous. On pensait jamais devoir faire face à un plan social. Pareil, des milliers de personnes dehors. Donc on doit consulter les lois, on va se mettre ensemble pour soutenir le personnel et pour limiter un maximum ce plan. On n'est pas d'accord avec ce plan, vous pensez bien. Laurence Dumortier, déléguée CNE chez ING avec Arnaud Pilet. Au rayon des mauvaises nouvelles encore, des licenciements annoncés chez Estée Lauder à Westerlo. La société spécialisée dans les cosmétiques annonce 60 emplois supprimés et une délocalisation partielle vers la Suisse. Le siège d'Estée Lauder est situé à New York. La société emploie 900 personnes en Flandre. Et puis chez Orica Belgium, à Châtelet, 15 à 20 personnes vont perdre leur emploi. Cette société fabrique et distribue des explosifs qu'on utilise dans les carrières ou pour les travaux de démolition. La direction d'Orica a mis en avant la compétitivité avec d'autres sites du groupe en Europe pour justifier la fermeture de l'unité de production de Châtelet. L'entreprise emploie encore une cinquantaine de personnes. Son site de distribution à Tournai n'est pas touché par cette restructuration. Le début des plaidoiries au procès de Bernard Westphal devant la cour d'assises. Ce matin, l'avocat de la famille de la victime, Véronique Piroton, a cherché à prouver la culpabilité de l'accusé en deux temps. Fabrice Gérard, d'abord, il a mis en avant les éléments qui prouvent l'homicide. Oui, effectivement, hein, ces éléments, il y en a 13 selon la partie civile, 13 éléments qui prouvent que Bernard Westphal a bel et bien tué son épouse Véronique Piroton. Alors on ne va pas tous les citer, hein, ce serait trop long, mais parmi les plus marquants, il y a l'autopsie de la victime et les 35 lésions retrouvées sur et à l'intérieur du corps de Véronique Piroton. Il y a aussi les conclusions des experts de l'INCC pour qui la victime a eu un contact intense et prolongé avec un oreiller peu avant sa mort. Et puis il y a également les témoignages des deux chambres voisines de celle où s'est déroulé le drame. Témoignages qui font état d'une violente dispute avec une femme qui hurle comme un loup et qui gémit. Bref, pas de doute, il ne peut s'agir d'un suicide ou d'une overdose alcool, médicament, insiste l'avocat de Véronique Piroton, mais bien d'un homicide volontaire commis par l'ancien député wallon. Oui, Fabrice, il a mis aussi en lumière l'intention d'homicide, autrement dit la préméditation dans le chef de Bernard Westphal. Effectivement, l'intention d'homicide, elle résulte, selon la partie civile, des multiples contacts entre la victime et son amant dans les heures qui précèdent le drame. Bernard Westphal n'aurait pas supporté que son épouse multiplie les appels, les contacts téléphoniques avec Oswald de Kock. Il aurait alors saoulé Véronique Piroton pour la rendre plus fragile. Et une fois dans leur chambre d'hôtel, il l'aurait tuée en deux temps. D'abord en l'étouffant avec un oreiller sur le lit, puis en l'achevant froidement à l'aide d'un sac plastique dans la salle de bain. Véronique Piroton était une petite souris coincée entre deux vilains matous, conclut l'avocat de Véronique Piroton. L'un s'est attaché à la détruire, l'autre a fini par la tuer. Merci. Fabrice Gérard avec les moyens techniques de Julien Bader. Cet après-midi, les jurés entendront le réquisitoire de l'avocat général. Un incendie dans une habitation de Jambes ce matin. Le feu se serait déclenché dans le salon de l'habitation, peut-être à cause d'un chauffage d'appoint. On déplore une victime. Deux grenades de la Deuxième Guerre mondiale découvertes à Scarbec hier soir, découvertes près d'une bulle à verre. Les policiers ont établi un périmètre de sécurité, appelé les services de déminage. Alors Pierre Vandenbulck, comment ces grenades se sont-elles retrouvées à cet endroit ? En fait, elles n'ont pas été découvertes là, mais amenées jusque-là. Par qui ? Eh bien, par un homme passionné de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale qui régulièrement part à la recherche d'objets avec son détecteur de métaux. Le week-end dernier, bingo, il tombe sur deux grenades de mortier datant de la Deuxième Guerre mondiale dans le bois de la Cambre. Il les déterre et les embarque dans son sac à dos. Mais une fois rentré chez lui à Scarbec et après quelques recherches sur Internet, il se rend compte que ces explosifs sont potentiellement très dangereux. Le commissaire de Beul de la zone de police nord raconte la suite. Ne sachant pas quoi faire, apparemment lundi, dans le courant de la journée, il a essayé de contacter l'armée pour remettre les grenades au service spécialisé de l'armée. N'ayant pas pu prendre contact avec l'armée, il n'a pas trouvé mieux que de les déposer près des bulles à verre qui sont situées sur la place Oufalise. Pris de remords quand même dans le même temps, il a appelé nos services parce qu'il se rendait bien compte que de laisser ça sur la VP, c'était quand même potentiellement très dangereux si des enfants auraient manipulé ces objets. Ils auraient pu exploser. Hier soir, la zone est donc bouclée en attendant le service de déminage de l'armée qui embarque les grenades avec toutes les précautions nécessaires vers 22h30. La police a de son côté dressé un procès-verbal contre l'intéressé pour détention d'explosifs. À l'étranger, la visite surprise du pape à Amatrice, la ville italienne détruite par un séisme en août dernier. Plus de 300 personnes sont mortes dans ce tremblement de terre. Le pape voulait faire cette visite à titre privé, seul, en tant que prêtre, évêque, pape, mais seul. Il est arrivé sur place à 9h10 et s'est d'abord rendu dans les préfabriqués colorés qui accueillent plus d'une centaine d'enfants de la commune. L'ouragan Matthew classé catégorie 4 arrive en Haïti. Il provoque déjà des inondations et on déplore une victime sur la côte sud. Des habitations sont détruites. Des milliers d'Haïtiens sont à l'abri dans les écoles, les églises et autres centres communautaires. Le sport avec Binche, Chimé Binche, c'est la dernière course cycliste de la saison en Wallonie. 194 km au menu, des pavés et puis quelques grands noms sur la ligne de départ. Un départ donné il y a quelques minutes, Samuel Grulois. Cette édition du Mémorial Frank Vandenbroek a un petit air de championnat du monde. Ah oui, le mondial en ligne se déroulera le dimanche 16 octobre au Qatar. Aujourd'hui à Binche, malgré le soleil, il fait bien plus frisqué qu'au Qatar, mais de très nombreux sélectionnés pour ces championnats du monde sont venus dans le Hainaut pour peaufiner leurs conditions. Quelques Français comme Desmar, Coquard, Bonnet, mais surtout 7 Belges sur les 9 repris par le sélectionneur Kevin De Weert. Les deux leaders de notre délégation sont là, Bonnen et Van Avermaet, mais aussi Mas, Keys, Roulans, Debussereux et le jeune Oliver Nasten, deuxième dimanche de l'Eurométropole Tour et qui a soif de revanche aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. À l'initiative de l'organisateur Jean-Luc Vandenbroek, ces 7 coureurs ont posé pour les photographes sous l'arche de départ, en première ligne, devant le reste du peloton, aux côtés de leur coach Kevin De Weert, consultant pour la télé flamande. Le départ réel a été donné à 12h55, après un petit tour d'honneur dans les rues pavées de la cité du Gilles. Direction Chimé, évidemment, dans un premier temps, avant un premier passage sur la ligne vers 16h, l'arrivée de cette dernière course wallonne de la saison et avant-dernière manche de la Coupe de Belgique est prévue vers 17h15. Et maintenant, on voit comment ça se passe sur les routes avec vous, Pierre Collard-Bovy. C'est plutôt calme c'est ce mardi. Plutôt calme, donc en ce moment, même avec une bonne nouvelle, puisque la voiture qui était sur le toit, sur le 40 Bruxelles-Liège, autour de Linsan, elle s'est remise sur ses pattes, on l'a retirée de la circulation et tout va bien en direction de Liège. Alors, vous ralentissez dans le chantier sur le 42 Mons-Liège, dans le chantier entre Boisden et Manage, vers Liège. Vous ralentissez sur 2 km à partir de Houdin et vous perdez une dizaine de minutes. Et au poste frontière, sur le 17 Gand-Lille, file depuis Albeil, de nouveau, et vous perdez une petite dizaine de minutes. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, on prend la vie du bon côté avec vous, Sylvie Honoré. Vous allez nous aider à évoluer, même en présence de personnes difficiles. Et bien plus, grâce aux personnes difficiles. C'est vrai qu'un possible. Chef un peu exigeant, ça peut aider, par exemple. Voilà. Ça, c'est un bon exemple. Anne, c'est un bon exemple. Un chef exigeant? Oui. Dans quel sens, Sylvie? Difficile, un peu exigeant. On va dire. Mais c'est, dans un premier temps, ça peut être difficile. Et dans un deuxième temps, c'est l'occasion de se muscler. Permettre de progresser. On peut grandir. Vous me présenterez le vôtre, je vous présenterai le mien. D'accord. Ça doit être le même, non? J'allais le demander. Non, on plaisante. Merci Manu pour ce journal. L'info revient à 14h. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi. J'espère que vous allez bien. Nous allons, à mon avis, tous nous retrouver dans ce thème parce que nous connaissons tous, à des degrés divers, bien entendu, des personnes dites difficiles, qu'on appelle difficiles. Vivre auprès de personnes difficiles, qu'elles soient manipulatrices, ça c'est un degré peut-être un peu plus fort, narcissique, psychotique. Quelle est votre définition? Qu'est-ce que vous mettriez, Anne Van Stappen, dans la définition des personnes difficiles pour vous? Alors moi, Sylvie, c'est comme vous le disiez à l'entrée de l'émission, ce sont des personnes avec lesquelles moi j'ai du mal à rester centrée, oui, à garder le cœur ouvert, à rester claire dans ma tête. Qui nous font perdre un petit peu notre joie de vivre, tout oui, simplement. Tout à fait. Alors, des définitions plus cartésiennes ou plus psy, j'ai pas trop envie d'en faire. Non, soyons concrets. Oui. Moi, j'ai la conscience que je peux moi aussi être une personne difficile, voilà, pour d'autres. C'est ça aussi qu'il faut dire. On est tous, de toute façon, difficiles pour quelqu'un. Moi, je pense. À un moment donné. Je pense. De toute façon, ça c'est sûr. Dans cette réflexion. Ça, c'est sûr. On se disait hors antenne aussi, est-ce que je suis facile pour moi-même ? Bien sûr. Est-ce que je suis aisée ? Est-ce que je suis bon ou bonne avec moi-même ? Et puis la même chose, comment l'autre me vit ? Oui. Parce que l'autre, depuis son point de vue et sa montagne, il trouve peut-être que c'est épouvantable d'avoir quelqu'un qui réfléchit autant que moi, tout le par temps, exemple. Bien sûr. On a commencé, vous avez raison, l'émission avant l'heure, parce qu'on a déjà papoté pas mal sur le sujet. Donc, vivre auprès de ces personnes-là, choisir de les aimer au quotidien quand on partage leur vie, représente un réel défi qui peut nous épuiser, nous détruire ou nous faire grandir. Et donc, plutôt que de les subir, pourquoi ne pas transformer ces épreuves, parce que ce sont des épreuves relationnelles, en perles. Pas facile à croire, hein, bien pourtant, ce petit cahier va vous aider justement à évoluer grâce aux personnes difficiles. C'est le vôtre, Anne Van Stappen. Vous êtes conférencière, vous êtes formatrice en communication non violente. Des petits cahiers d'exercices aux éditions Jouvence, vous en avez sorti quelques-uns. Serait-il possible de protéger notre cœur sans le fermer ni quitter notre bonté d'être? Ça, c'est une question que j'ai envie de poser aux auditeurs aujourd'hui. Le but de ce cahier, c'est vraiment de vous aider à transformer vos douloureuses mésaventures terrestres en aventures autres, voilà, qui peuvent vous faire grandir. C'est pas facile à croire d'entrée de jeu et pourtant c'est possible. Une personnalité difficile quand quoi? Venez prendre la parole et venez nous dire ce que ce mot difficile suscite chez vous comme réaction. 070 23 33 23 SMS 30 63. C'est quoi? C'est des traits de caractère? C'est des situations difficiles que ces personnes génèrent? C'est de la souffrance? Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur le fait que la personne n'a pas peut-être choisi sa personnalité difficile? C'est peut-être lié à tout un contexte. Bref, venez nous en parler aujourd'hui. Jusqu'à 15h. Pendant 2h, vous prendrez la parole sur ce sujet. C'est parti. La vie du bon côté. Entre Noël et jour de l'an, sur les quais des gares, des enfants qui passent de papa à maman, le cartable et la brosse à dents. Les histoires du soir ont changé, plus de princesse à libérer. J'ai de papa, j'ai de maman, mais je suis toujours un enfant. C'est le monde moderne, les gens sont les mêmes. Y a des joies, des peines, y a des cœurs qui s'aiment. La chanson c'est la même. Y a des gens qui s'aiment dans le monde moderne. C'est le monde moderne et moi je suis le même. J'ai des joies, des peines, j'ai mon cœur qui s'aime. Mais pour moi c'est idem, tu es parti quand même dans le monde moderne. moderne. Calogero sur Vivacité. On parle des personnes difficiles. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, hein, des personnes difficiles. On est difficile toujours pour quelqu'un, de toute façon, parce que vous dites, oh, moi je vis avec une personne difficile. La personne difficile va dire, ben oui, mais elle n'est pas plus facile que moi. Donc, c'est vrai que ça a des degrés divers. Qu'est-ce qu'on entend par personnalité difficile? C'est ce petit cahier d'exercice pour évoluer grâce aux personnes difficiles qu'on vous présente aujourd'hui, puisque voilà, vivre avec une personne difficile, c'est une chose. Évoluer grâce à cette personne difficile en disant on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est dans ma famille, c'est la personne avec qui j'ai choisi de vivre, parce qu'elle n'est peut-être pas difficile non plus tous les jours, hein. Il y a peut-être des petites crises à un moment donné à la même heure, tant mieux, comme ça on sait que ça passe. Mais bon, c'est pas non plus tout le temps, c'est difficile sur certains points de vue. Enfin bref, venez prendre la parole à ce sujet. Anne Van Stappen est notre invitée aujourd'hui. On parlera de communication non violente, hein, avec vous Anne, bien sûr. On demande aussi aujourd'hui aux personnes s'ils ont déjà réfléchi sur le fait que la personne n'a peut-être pas choisi d'être difficile, hein, qui choisirait peut-être volontairement d'être paranoïaque ou anxieux. Voilà. Il y a peut-être des personnes pour qui c'est comme ça, ça n'a jamais été différent, ils ne savent pas ce que c'est d'être différent. Donc voilà, pour eux c'est normal d'être comme ça. Est-ce que vous vous protégez simultanément et suffisamment? Voilà, suffisamment, surtout, est-ce que vous protégez suffisamment? C'est une question, je pense, qu'il est important de se poser. Oui, c'est la première étape, c'est au moins de se protéger, oui, de se poser en soi, d'apprendre à s'écouter soi-même pour voir quand ça devient trop difficile à gérer, que ça soit sur le plan physique, écouter comment va sa santé, par exemple, est-ce que j'en ai plein le dos, etc. Et puis sur le plan émotionnel. Donc la première chose, c'est la protection, c'est l'écoute de soi, l'accueil de soi, s'affermir, s'affirmer, et puis s'entraîner à se préserver. Après ça, je le verrai plus sous l'angle de, une fois que j'ai ce bouclier pour me protéger, comme on en parlait voilà maintenant, après ça, est-ce que je peux ensuite me muscler l'être globalement? Et là, moi, je vois le fait de côtoyer des personnes difficiles ou de devoir vivre avec, parce que on ne peut pas toujours les quitter, je vois ça comme le chemin de croissance et d'évolution sur tous les plans. Et je trouve ça vraiment fondamental. Et moi, j'ai décidé dans ma vie d'avoir un plan B, des plans B, on en parlera peut-être plus tard, face à des personnes difficiles. Comment est-ce que moi, je peux non pas me blinder ou banaliser ou, voilà, me plaindre, mais comment est-ce que je peux devenir meilleur, donc développer ma bonté, voir la beauté dans ma vie. Tout ça, ce sont des thèmes que je peux, si vous voulez, mettre en point de mire et en avant, plutôt que de me laisser défoncer par une situation qui me fait souffrir. Plan B, vous me dites, ça me fait sourire, parce que moi j'ai envie de dire, moi je pense que dans certaines situations je suis au plan U, vous voyez, j'ai déjà épuisé toutes les autres lettres. C'est-à-dire c'est une façon, quoi. C'est une façon. Non, je ne vais pas le dire devant tout le monde, hein, mais voilà. Non, mais je dis ça comme ça. C'est de l'humour. Ah, j'ai beaucoup d'humour. Chantal, dans quelques instants, s'exprime. Elle parlera d'une collègue de travail, considérée comme difficile. Elle a des choses à nous dire. Elle a, je pense, une belle réflexion à faire intervenir dans son témoignage. 070 23 33 23, SMS 30 63. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vada, m'ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Vivacité présente. Pardon monsieur, je cherche la gare. Comme ça, c'est tout simple. Vous voyez la rue du commerce équitable? Oui. Bon, vous la suivez et après 100 mètres, vous prenez le boulevard du juste salaire. Ah, des justes salaires, oui. Et ensuite, vous tournez à gauche sur l'avenue du respect de l'agriculteur. Ah ben c'est pas si loin ça finalement, merci. Vous en prie. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Vivacité présente. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est rien. Tu jettes les feuilles des carottes? Non, mais ça va pas. C'est parce que je pense. Allez, hop, passez-moi. Je vais en faire une soupe de dingue. Tu vas voir. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye. Des plus récentes aux modèles de légende. À l'échelle 1/43e. Le numéro 1, la Volkswagen Polo, championne du monde 2014 et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Uccle et Peugeot Mésaire. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Anne Van Stappen, auteure de ce petit cahier d'exercices chez Jouvence pour évoluer grâce aux personnes difficiles. Vous dites, le chemin par exemple que propose ce cahier, il place son approche à un niveau différent de celui que l'on aborde habituellement dans la littérature et qui consiste à transmettre des clés pour gérer les personnes difficiles. Et sinon, vous envisagez comment nous gérons face à celle-ci, comment nous développons en devenant conscient de notre vécu, en le prenant en compte et en renforçant notre adhésion à nos valeurs les plus nobles. Oui, je pense, enfin c'est ça, c'est l'angle d'approche que moi j'ai choisi d'aborder. C'est en fait, plutôt que de me dire je dois gérer l'autre, je me suis demandé comment dans cette situation qui est comme elle est, je peux me gérer moi. Mais c'est ça, comment je peux moi grandir, comment je peux moi développer mon pouvoir ou ma puissance personnelle et jamais contre l'autre, toujours comme on le dit en communication non violente, pour mes besoins et mes aspirations. Ce qu'on appelle un peu ça le lâcher prise. Le lâcher prise est un des éléments. Oui, parce que je lâche prise sur le fait de montrer que l'autre est mon bourreau. Mais je lâche prise aussi sur mes attentes, les vrais manipulateurs et les personnes au narcissisme fragile. En ce inclus les pervers narcissiques. Je suis désolée, il faut quand même être clair. Je n'aime pas de mettre des étiquettes, je préfère voir les gens comme des humains. Mais il faut quand même être clair. Il y a peu de résultats d'évolution favorables. On peut en avoir soi-même au sein de ces relations, mais j'ai vu au cours de, voilà, de mon travail d'une vie, j'ai vu peu d'évolution de ce type de personnalité. Donc tout ce qui me reste, c'est que moi, je peux évoluer face à ces personnes-là. Et je ne peux pas toujours, comme je le disais, je crois tout à l'heure, les fuir. Oui, oui, c'est les sauver, ça c'est sûr. Que d'énergie perdue, parfois, parfois. Chantal, bonjour, bienvenue Chantal. Oui. Bonjour à toutes les deux. Ça vous... Bonjour. Ça suscite des réflexions, hein, ce sujet-là, chez vous. Oui, parce que moi, j'ai un collègue de travail donc, qui est, bon, on va dire, moins bien admis. Il est récent, enfin, il est venu assez récemment, et donc il vient pour une durée déterminée, mais il est assez difficile à vivre. Et bien, moi, en fait, je réagis par rapport à moi, et je me dis que si... ce que représente cette personne pour moi me dérange, et c'est qu'il y a des choses en moi qui sont communes à cette personne. Venons-en. J'ai plutôt intérêt à bosser sur moi plutôt que de m'investir sur lui. Lui doit s'investir sur lui et moi sur moi. On ne peut pas donner aux autres ce qu'ils ne veulent pas accepter, soyons clairs. Et on a déjà beaucoup de travail devant sa porte. Un balai de rue n'y suffit pas. Donc moi j'avance avec mon balai de rue et je ne le donne à personne. Ça, c'est bien. Oh, ça, c'est Chantal, bien. J'adore. Merci. Ah ouais, c'est et extrême. Je pense aussi que c'est ça qui nous fait avancer et grandir. Oui, et en plus... Pardon, je ne veux pas vous interrompre. Je vous en prie. Non, je voulais dire, ce que j'aime, c'est dans votre ton de voix, on sent comme une fermeté et on sent votre énergie qui est pour vous, qui n'est pas tournée contre l'autre. À la limite, ça vous fait presque sourire, on dirait. Oui, mais je lui envoie de l'amour quand je sais le faire. Je lui envoie de l'amour parce que c'est indispensable si... Il n'y a que comme ça qu'il bougera si plein de gens lui envoient de l'amour et le désir, bien entendu. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a que ça qu'on peut faire pour lui. Tout à fait. Beau chemin. Oui, en plus, le type de personnalité où on peut... voilà, voir des traits de caractère qui objectivement sont quelque part complexes à vivre, des gens qui vous accusent de ce qu'ils vous font ou des gens avec qui vous vous sentez inconfortable, ils vous posent des questions puis ils n'écoutent jamais votre avis. Il y a des traits objectifs, des modes de fonctionnement objectifs, et en fait ces personnes-là ce genre de mode de fonctionnement s'origine, à mon avis, dans un immense manque d'amour de soi, et donc dans un narcissisme fragile, comme on peut dire en psychologie. Et du coup, voilà, ça crée ce que ça crée. Et donc, ces personnes, vous l'avez bien dit, ont particulièrement besoin d'amour, justement. Mm-hmm. Mais l'amour n'a rien à voir, je voudrais l'ajouter, avec le laxisme ou avec être une carpette. L'amour, ça peut être à distance, je lui envoie ma bienveillance, et en même temps, je décide de ne plus côtoyer cette personne ou de ne plus tenter une relation proche. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais de la distance. Mais Chantal, bravo pour ce que vous venez nous dire. Parce que franchement, ça suscitera des réactions. Vous avez raison. Voilà, grâce, elle a dit, hein, grâce finalement à un collègue de travail considéré comme difficile. C'est peut-être quelque chose qui me renvoie à ce qui est difficile à vivre pour moi. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et vous, dans votre travail, ça va? Dans votre vie de tous les jours, ça va? Dans votre situation familiale, ça va? Est-ce que vous êtes confronté à des personnes difficiles? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire changer ces personnes et puis à un moment donné, vous vous dites, ça sert à rien? J'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu du temps, il n'y a rien qu'à changer. Maintenant, je dois tout simplement réagir et agir autrement. Eh bien, venez nous dire comment vous agissez autrement avant 15h. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme les tartares de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be. Avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. Il y a un an, Mathilde Thomas, vous nous présentiez le nouveau soin Resveratrol Lift de Caudalie. Oui, et depuis, son efficacité anti-âge a été reconnue par plus d'une demi-douzaine de prix en Europe. Des centaines de milliers de femmes ne jurent que par lui. Vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin? Oh non, j'ai créé la nouvelle crème cachemire redensifiante, une révolution pour peau sèche. Et que cache ce joli nom? Une texture ultra légère, ultra hydratante, ultra efficace. Ainsi, les peaux normales à sèche n'auront plus à choisir entre confort et efficacité. Une nouveauté à savourer d'urgence. Resveratrol Lift de Caudalie, le premier lifting naturel et efficace. Chute de cheveux? Pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant Pur Essentiel Anti-Chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat? Action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, Pur Essentiel Anti-Chute, l'efficacité à l'état pur. Vous souhaitez aménager votre intérieur avec de nouveaux placards? Vous rêvez d'un dressing parfaitement équipé? Alors les conditions d'automne Ego sont faites pour vous. En octobre, Ego vous offre le montage de votre nouveau placard et 10% de remise sur tous les meubles. Chambre, hall d'entrée, Ego propose des solutions de rangement sur mesure qui correspondent à vos besoins, mais aussi à votre budget. Découvrez-les sur ego.be. Vivacité présente Acerta Brussels Equidène, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequidène.be. Une initiative d'Acerta avec la DH et la 2. Plainer, saner, when you're patience, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them. On you survivra. Nous parlons des personnes difficiles. Alors j'imagine les gens qui écoutent la radio en disant « Ah, c'est pas moi !» Voilà. « Ah, on parle de moi !» Voilà. Mais qui est difficile, qui ne l'est pas? On a tous, malgré tout, un côté difficile à vivre, hein, pour l'autre, pour soi-même, parfois. Oh, c'est peut-être pas tous les jours, hein, mais parfois. Petit cahier d'exercice pour évoluer grâce aux personnes difficiles. Anne Van Stappen, c'est votre livre. Vous donnerez des clés. Vous allez en donner peut-être à Lucette, qu'on va entendre tout de suite avec une situation pas facile à vivre, hein, Lucette, en ce moment. Bonjour à vous, Lucette. Bonjour, Lucette. Oui, bonjour, madame. C'est oui, votre bonjour. Maman qui habite chez vous. Voilà, oui, oui, qui nous envoie des insultes du matin au soir, parce qu'il a langue comme un bébé. Et puis si on lui dit mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis mais ça, y a un petit souci, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien non, elle vous dit carrément non, non, tout va bien, je suis tout à fait normale. Alors que dès qu'elle est encore dans son lit, qu'elle est déjà occupée à m'insulter. Et c'est vrai que ça peut décourager certaines personnes ou les rendre plus fortes. Personnellement, moi, ça me rend plus forte parce que je me dis que c'est une expérience, pas toujours très agréable, je vous l'admets. Mais bon, c'est ce que je vous disais tantôt. Quand nous étions petits, ben, nous n'étions pas toujours non plus sages. Hein, donc, ben voilà, je pense que quand on vieillit, on retourne en enfance et que j'ai affaire à une enfant très difficile. Voilà. Mais bon, voilà, ça peut. Mais c'est vrai, ça peut fermer beaucoup de cœurs, beaucoup de portes même, parce que maman a beaucoup de petits-enfants qui ne viennent plus la voir, parce que je pense qu'elle est tellement méchante, tellement désagréable, ils n'ont plus envie de venir, quoi. Oui, ça peut parler, en effet. Ça peut parler à des personnes. Vous ne leur en voulez pas. Vous ne leur en voulez pas, parce que quelque part, vous pas comprenez un tout. Peu. Oui, oui, oui. Tout à fait. Quand on est plus jeune, en plus. Voilà, je pense que pour supporter une situation comme ça, c'est le propre enfant qui peut le faire. C'est pas les petits, c'est pas parce que bon, eux sont quand même c'est pas leur maman, c'est pas bon. Moi, je n'ai jamais oublié tout ce que maman a fait pour nous quand nous avions besoin. Ben maintenant, bon, ben c'est comme ça. Hein, j'aurais préféré autrement, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Anne. Moi, je trouve ça très beau, votre lâcher prise, Lucette. J'ai envie de vous rappeler une phrase de Khalil Gibran qui, moi, m'aide beaucoup, c'est « La méchanceté n'est autre que la bonté torturée par sa propre faim, F-A-I-M ». Et je pense que la méchanceté, ou ce qu'on étiquette comme ça de votre maman, c'est l'expression de beaucoup de souffrance. Et je suis admirative d'entendre que vous pouvez relativiser, vous souvenir de ce qu'elle vous a donné quand vous étiez plus jeune, et que vous arrivez du coup à tenir le coup pour l'aider. En même temps, je pense que peut-être ça serait chouette pour les petits-enfants de pouvoir leur raconter tout ce que leur granny était avant oui, d'une oui. part, et d'autre part, de leur expliquer que quand on est méchant, c'est parce qu'on souffre, et de leur demander, et toi, quand tu es gentil à l'école, est-ce que, ou avec tes proches, est-ce que c'est pas parce que t'es heureux que tu vas bien? Donc, quand ta grand-mère est méchante, c'est parce qu'elle souffre, c'est pas contre toi, et d'essayer de leur expliquer ça. Parce que je pense que les grands-parents et les petits-enfants, il y a des relations très spéciales. Un enfant peut ouvrir le cœur d'un adulte et d'un adulte âgé, et vice-versa. Mmh. Et donc je crois que ça peut être infiniment précieux si au moins ça peut être dit, pour qu'il n'y ait pas des images d'ennemis qui se construisent entre eux. Et par ailleurs, je voulais vous parler de vous, où je pense que c'est absolument merveilleux ce que vous faites, et en même temps, je voudrais avoir la réassurance que vous vous occupez de vous ressourcer, de vous faire du bien à vous-même, que vous savez qu'un être humain qui tire la langue, c'est un être humain qui a des sentiments et des besoins de provoquer pour la derrière espérer une réaction, donc un besoin d'attention, et qui croit que ces mots ne suffisent pas à se faire entendre, donc des mots gentils ne suffisant pas, ils exagèrent, ils font des insultes, et puis ils ont des gestes tels ceux que vous partagez. Tout ça, c'est l'expression d'un appel à l'aide, et ce n'est pas nécessairement vous qui devez aider, mais c'est important d'en garder la conscience, de toujours avoir à l'esprit quelqu'un qui blesse, c'est quelqu'un qui est très blessé. Mmh. Et c'est pas pour ça que je vais me laisser faire. Oui, ben voilà, une situation, là on parle plus d'une situation difficile à vivre, mais les deux sont liés, Lucienne, vous avez bien fait de parler de cela, de cette situation-là, avec nous aujourd'hui. 070 23 33 23, SMS 30 63, évoluer grâce aux personnes difficiles, grâce à des situations difficiles, en tout cas, comment finalement lâcher prise, ne pas aller contre cette personne difficile, ne pas plus perdre du temps, ni de l'énergie à aller contre ce qui ne sert à rien, mais simplement changer ce temps et cette énergie pour vous-même et vous apporter du bien à vous-même. Voilà, 3063 pour nous le dire. Viva Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Stop ! Dormir, c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. Dès mercredi, ce sont les jours fous chez MediaMarkt. Ils deviennent complètement dingues. Une course de fous à gagner, avec pas moins de 100 secondes de shopping gratuit, c'est totalement dément. En plus, chaque client a une chance de gagner. Participation et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, quoi? En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends encore. Sois pas si impatient, t'as dit. Chou, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il rigole? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Vivacité présente. Bonjour monsieur, vous pouvez me dire dans quel rayon je pourrais trouver du respect pour les producteurs du Sud? D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Le plus impatient. Attends, quoi? Bon. Le plus impatient. Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Your name. c'était Glover avec la petite grenouille dans le clip vidéo avec Love Is All, le titre de la chanson. J'ai envie de lire ce message. Quelqu'un qui ne souhaite pas passer à la radio, qui nous écrit « J'avais une copine difficile, Sylvie », il l'a écrit entre guillemets, hein. « J'ai su rester 3 ans à ses côtés, mais je n'ai pas réussi à vivre avec elle malgré tout l'amour que je lui portais. Pour moi, la difficulté était surtout dans la communication et dans le respect qu'elle n'a jamais réussi à avoir avec moi. Elle avait d'énormes blessures dues au passé, abandon de son père notamment, et dû aussi au présent, maladie de Crohn. Et j'avais l'impression parfois d'être le responsable de toutes ces blessures. Donc je recevais ces éclats de colère sans arrêt. Elle se fait actuellement aider, mais je regrette de n'avoir pas trouvé le moyen ou le courage de rester. » Il y a quand même un regret. Je pensais qu'à la fin du message, cette personne allait nous dire « Voilà, c'était comme ça, j'aurais pas pu rester. » Mais elle dit « Je regrette le fait de n'avoir pas trouvé le moyen, le courage de rester. » Je la comprends, parce que on n'est pas qu'une seule, on n'est pas unifié, nous sommes constitués de parts. Mmh. Et une part de cette personne avait besoin de se protéger et a donc décidé de prendre du recul et de quitter la relation, mais une autre part était dans l'affection, l'amour. Mmh. Mmh. Et donc, la difficulté, c'est quand on quitte quelqu'un, on écoute une part et on c'est au détriment d'une autre. Et si on n'a pas fait le deuil ou qu'on n'a pas pleinement écouté l'autre part, ça reste une source de souffrance. Il y avait une troisième part, j'entends, qui disait « j'aurais besoin d'avoir les moyens pour rester avec cette personne ». Donc c'est la personne qui parle dit qu'elle aurait voulu être plus grande ou plus forte que ce qu'elle était pour pouvoir rester dans cette relation. Et visiblement, elle n'a pas eu les moyens, elle a dû prendre soin d'elle et donc là, il y a un deuil à faire. Olivier s'exprime dans quelques instants. Il dit « Ma femme dit que je suis difficile. Moi, je dis que c'est ma femme. On ne s'en sort pas. On est finalement difficile l'un pour l'autre et l'autre pour l'un. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc ça, c'est peut-être des clés à donner à Olivier qui s'exprime dans un instant. Où est la plus grande foire au vin de Belgique ? Chez Cora ! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. Une vitre latérale brisée, on a envie de la faire remplacer tout de suite. Chez nous, chez Carglass, c'est possible grâce à notre grand stock de vitres. Nous vous aidons le jour même. Appelez-nous gratuitement ou prenez rendez-vous sur carglass.be ou via notre application smartphone. Moi, sur mon pot Nutella, j'écrirai « Je t'adore ». T'es canon ou quelle biche ? Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrai un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Info et horaires, poincaré.eu. Tiens mon amour, un cadeau pour notre anniversaire de mariage. Oh, un collier en diamant avec une petite clé. Oh, c'est la clé de ton cœur, c'est ça hein? Non, c'est juste une villa à Ibiza. Ah, bon, c'est bien aussi. Ce mardi, jackpot incroyable de près de 141 millions d'euros. Jouez dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Euromillions, devenez scandaleusement riche. Vivacité présente, le week-end Maison et Architecte, un événement d'une brique dans le ventre. Besoin d'inspiration pour construire ou rénover ? Visitez gratuitement des maisons conçues par des architectes wallons et bruxellois et découvrez leurs talents ces 8 et 9 octobre. Préparez vos visites sur le site maisonetarchitecte.be. Avec le soutien de l'Ordre des architectes et d'AXA Bank. Les maîtres boulangers se lèvent à l'aube pour vous préparer un petit déjeuner d'une qualité unique chaque jour. Ces passionnés sont mis à l'honneur la semaine prochaine sur Vivacité. Écoutez les matinales et vous remporterez peut-être votre petit déjeuner croustillant durant plusieurs semaines. En collaboration avec la PACW et les maîtres boulangers pâtissiers de votre région. Artistes et maîtres boulangers pâtissiers. La passion est au cœur de nos métiers. Mais que s'est-il passé aujourd'hui ? Est-ce que vous reconnaissez ceci ? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Philips existe depuis 125 ans et chez Light Gallery, ça se fête. À cette occasion, Light Gallery vous offre une remise de 25% sur tous les luminaires et sur toutes les ampoules Philips. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogenboss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. La vie du bon côté sur Vivacité. Petit cahier d'exercice pour évoluer grâce aux personnes difficiles. Quand j'ai vu ce titre, en effet, d'abord, je pensais que je l'avais mal lu. Puis je me suis dit, bah, il faut oser dire ça. Hein? Évoluer grâce, et c'est écrit en lettres majuscules et rouges, aux personnes difficiles. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour Olivier. Ça peut faire sourire, mais c'est pas si naïf que ça, hein, Olivier. C'est pas facile à vivre. Vous dites ma femme est difficile à vivre. En tout cas, ça c'est mon ressenti à moi. Et elle a le même ressenti par rapport à vous. Elle dit que c'est vous. Donc conclusion, oui. Bah, vous êtes difficile à vivre tous les deux. L'un pour l'autre, l'autre pour l'un. Oui. Oui. Et on tourne en rond. Oui, c'est à peu près ça. Ça fait 10 ans, mais ouais, c'est à peu près ça. Oui, oui. En vérité, je pense qu'on s'est pas menti dès le départ. On avait chacun son caractère. On a peut-être des caractères forts, différents mais forts. Et malgré tout, mais ça, je veux dire, avec le temps, on s'est habitué, donc ça ne pose même plus problème, quoi. Je oui, mais que je sais quand je vous appelez quand même quand pour le dire. Ben oui, parce que ça je me sens un peu coupable aussi parce que bon, c'est peut-être par rapport à moi qu'elle est difficile et qu'elle répond de sa manière qui me semble aussi par rapport à moi difficile. Quoi. J'ai l'impression que c'est un jeu. Des fois, c'est un jeu, quoi. On le fait sans s'en rendre compte. Oui, mais on jouerait bien autre chose aussi. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais je comprends parfaitement ce que vous dites, Olivier. Alors là, je comprends parfaitement ce que vous dites. Anne ? Oui. Alors moi, je pense que ce genre de jeu, on le joue pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que quelque part, on a besoin de proximité. Et parfois, si on a un peu peur d'être vraiment proche et intime dans l'amour, parce que ça nous ouvre, on choisit de se faire et de se donner des petits coups. Et le fait de se donner des petits coups, c'est quand même, on se sent proche, on se sent vivre l'un près de l'autre. La difficulté, c'est que à force de se bagarrer, on finit par s'identifier à « je souffre à cause de l'autre, donc j'existe ». Et quand on souffre, entre guillemets, à cause de l'autre, on développe ce que j'appellerais des vécus ou des états d'âme inconfortables ou désagréables. Et nos cellules, les récepteurs de nos cellules, reçoivent des informations du cerveau via les vécus désagréables et sont shootés, sont quelque part intoxiqués à ces vécus désagréables. Et du coup, ça induit de nouvelles pensées comme quoi l'autre devrait ceci ou cela ou n'est pas assez ceci ou cela, ce qui ensuite induit de nouveau des vécus désagréables. Et nous sommes deux personnes à penser je souffre donc j'existe et ça nous lie et nous nourrissons mutuellement ce que Eckhart Tolle a appelé nos corps de souffrance et littéralement si on devait arrêter la guerre ou la bagarre comme ça, on se sentirait très petit parce que on n'a pas appris, nous les humains, je me mets dedans, on n'a pas appris à quelque part exister à travers la confiance dans l'amour, la confiance qu'on puisse le donner. Vous avez dit au début de ce que vous disiez que vous étiez quelque part avec vos blessures et elle avec les siennes, et c'est tellement vrai. Et alors voilà, avec ça, on met des frontières, on essaye de souffrir, oui. Oui, mais en même temps, il parle de souffrance, mais il dit, bon, ben voilà, on raisonne comme ça depuis 10 ans, on peut continuer. Enfin, moi, j'entends ça, oui, mais bon, bien c'est sûr. Vrai. Je trouve que c'est assez sage, ce qu'il dit. Il y en dit, a qui sont là-dedans, dans ce schéma-là. Oui, et un malheur connu vaut mieux qu'un bonheur inconnu pour beaucoup de gens. C'est plus sécur, on est habitué, quoi. On est habitué, on peut râler sur l'autre un bon coup. Oui, mais non, difficile, ça dit bien ce que ça veut dire aussi. Il y a parfois des situations très difficiles, oui. Hein, si c'est... Oui. Même qui se prennent le chou tous les jours, bon, pour des queues de cerises, enfin voilà. Mais je trouve que le témoignage est intéressant parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître dans ce genre de vécu. Merci Olivier d'avoir eu le courage, voilà, de le dire. Après 10 ans, 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous aussi, vous souhaitez intervenir. Voici Christophe Maé. Elle habite Paris depuis moins de 3 mois, mais elle a déjà tout le mode d'emploi. Elle emporte tout plein de mots que je connais pas, roule en Vespa. Ses amis ont des prénoms étranges, Béné, Alix, Fix et Lisange. C'est ça, c'est pas leur prénom, non, qui me dérange, ni leur frange. Elle me dit tout le temps qu'il faut qu'on se capte et qu'on brunch ensemble un de ces quatre. Qu'on se mate une expo au 104 Larry Clark. Pourquoi pas? Mais pas demain, car madame est surbookée, toujours bloquée sur son MacBook. Quand elle me dit qu'on peut se croiser sur Facebook, c'est le bouquet. Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pour plus que rien ne change. Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris, c'est pas que je critique, c'est si différent. Passer le périphérique, c'est plus les mêmes musiques, les mêmes tuniques. Sa mère, ses potes et ses votes catholiques.

Véronique Pirotton est une petite souris coincée entre deux matous. L'un l'a détruite, l'autre l'a tuée. Les mots de l'avocat de la famille de la victime, c'est l'heure des plaidoiries au procès de Bernard Westphal, accusé d'avoir tué son épouse. Les matous, allusion à son mari, à son amant. L'avocat qui défend aussi le travail des enquêteurs et leur respect de la présomption d'innocence. Comme tous les accusés qui nient, Bernard Westphal espère échapper à la juste sanction qui sera réclamée par l'avocat général, a donc lancé l'avocat des parties civiles. Cet après-midi sera consacré au réquisitoire du ministère public. Verdict attendu en fin de semaine. Le Parlement européen approuve l'accord de Paris sur le climat et à une large majorité. La procédure a été éclair. Cet accord est né lors de la COP21. Il doit limiter la hausse des températures dans le monde. Après les États-Unis, la Chine et l'Inde, principaux pollueurs de la planète, l'Union européenne va pouvoir notifier sa ratification à l'ONU dans les prochains jours. Binche, Chimay, Binche, dernière course cycliste wallonne de la saison. Les coureurs sont partis à 13h. Deux hommes en tête, Samuel Grelois. Oui Delphine, Lars Bak, le solide danois de l'Auto Soudal, l'un des anciens du peloton du haut de ses 36 ans. Il est accompagné de Vegard Langen, coureur de l'équipe suisse Yam Cycling. C'est un Norvégien. Lotto et Yam, ce sont des équipes qui alignent aujourd'hui chacune de leur côté de potentiels vainqueurs à Binche, Boekmans, De Bussere, Roelants, Nassen ou encore un des régionaux de l'étape, Jonas Van Genechten. Deux équipes qui ont donc pris leurs responsabilités en envoyant deux hommes à l'avant, à charge des équipes concurrentes, évidemment, d'assumer la poursuite désormais. On pense surtout à ETX Quickstep, BMC, mais aussi Lotto Jumbo qui compte sur leurs leaders respectifs, Bonnen, Van Avermaet, Van Mark, pour s'imposer tout à l'heure. Le duo de tête compte 2 minutes d'avance sur le peloton. Après 45 km de course, nous approchons déjà de Chimay où nous ferons demi-tour et on nous annonce 4 coureurs en contre-attaque derrière le duo de tête. Fournier, Van der Sant, Bocciola et l'un des favoris du jour, Gaviria. Merci Samuel Grelois. On va partir sur les routes RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Comment ça se passe cet après-midi? Mais jusqu'à présent, c'est tout à fait calme. Juste un objet encombrant, de grandes planches au liton, ce qui pourrait être dangereuse. Sur le 42 Liège, Namur, à hauteur de Grasse-Solonne, c'est la bande de droite qui est encombrée en direction de Namur. Puis on sait un petit ralentissement aux frontières françaises, à la frontière française sur le 17 Gand-Lille, à partir de Halbeek, sur 4 km, vous perdez une petite dizaine de minutes. Et attention à ce contrôle de vitesse sur le 25 Bastogne-Liège, entre Beaufailly et Chesnay, en direction de Liège. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bon après-midi, la suite de la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Merci Delphine, l'info revient en moins d'une heure à 15h. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel. Et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, porte et châssis avec une promesse, la transparence. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Anne Van Stappen et son petit cahier d'exercices pour évoluer grâce aux personnes difficiles. Des personnes difficiles qui sont les bienvenues ce jeudi à Liège, à Mediacité, puisque nous organisons notre deuxième et dernière journée au profit de Cap 48. Alors il y a deux formules possibles, soit vous nous accompagnez toute la journée à partir de 12h30 pour pouvoir vivre l'émission en direct, bien sûr, entre 13h et 15h en direct de Mediacité, en direct du complexe commercial. Ensuite, il y aura une visite du musée de la Beauverie. Vous verrez l'expo qui s'appelle 21 rue de la Boétie. C'est une exposition d'art et de civilisation en collaboration avec Anne Sinclair, si vous aimez cela. Le musée de la Beauverie qui nous met les places à disposition. Ensuite, il y aura le concert donné par Jessica, une personne aveugle, avec un buffet fromage charcuterie. Et enfin, la conférence au cours de laquelle vous apprendrez grâce à nos 4 intervenants que la différence, si, peut être une richesse. Et même la différence de caractère, ça peut être une richesse. Et on peut évoluer grâce aux personnes difficiles. Et lors de ce buffet, nous mettons bien sûr, grâce à la PACW, tous les producteurs locaux en évidence, comme la société De Tri, qui produit et commercialise une large gamme de produits de charcuterie. La qualité, selon De Tri, repose sur de bonnes conditions d'élevage et d'alimentation. Le respect de l'animal, le savoir-faire des hommes, l'écoute des consommateurs. C'est pas à vous que je vais dire le contraire, Valérie Minet. Bonjour. bonjour à vous. Pour présenter les charcuteries de la société de Tri, c'est vous donc qui allez nous faire déguster vos bons produits du terroir, Valérie. Exactement, donc rendez-vous jeudi alors. Vous mettrez quoi en évidence? Oui, qu'est-ce qu'on pourra déguster? Alors, en fait, on a proposé de faire déguster trois produits qui représentent bien justement la société de Tri, à savoir le boudin blanc de Liège, le jambon à l'os et alors aussi un pain de viande qui est une recette authentique d'il y a maintenant plus de 50 ans vu que la société est en place depuis 50 ans maintenant. Voilà, et ne lasse pas évidemment le consommateur, puisque le consommateur est de plus en plus à la recherche de cette charcuterie du terroir, comme on l'appelle. Oui, oui, oui, c'est vrai que maintenant les consommateurs ont de plus en plus d'intérêt à consommer local. Et, oui, et c'est oui. vrai que ça, c'est une de nos valeurs, évidemment, vu que nous sommes une société familiale implantée en Wallonie et donc c'est vraiment quelque chose qu'on prône aussi, un savoir-faire local et donc de la marchandise fabriquée aussi de manière locale avec des ingrédients locaux. Qu'on goûtera jeudi à Liège donc, grâce à vous, grâce à la PACW. Merci Valérie, société de Tri. Vous pourrez accompagner aussi tous ces bons produits de charcuterie avec du bon sirop de Liège. Ça aussi, ce sera en place sur les buffets. Et puis, que boire avec ça? De la bière, bien sûr, une petite bière locale. La Botoresse, que je ne connais pas. Bonjour José Poncin. Bonjour. Je ne connais pas votre bière. Je ne connais pas cette... Ah ben voilà, mais voilà. Ce sera l'occasion de la déguster. D'abord, le nom vient d'où? Alors, la Botoresse. Bien, la Botoresse, c'est un personnage qui fait partie de l'histoire de Liège et du pays wallon en général, puisque c'était une dame qui, au début du 20e, transportait dans sa hotte, mais vous savez bien, à Liège, on ne dit rien comme les autres. On dit une botte. Oui. Donc, la dame qui porte la botte, c'est une botteresse. D'accord, voilà. D'accord. Il faut aller les chercher. Hein. Mais ça va, je pense que j'ai retenu. Bon, la botteresse, elle se distingue comment, José? Alors, disons que notre façon de travailler, c'est de travailler avec des bières de haute densité, avec pas mal d'épices. Hein. On aime bien donner un caractère très particulier à nos bières. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique, je vais dire. La Botoresse. Vous êtes situé à Saint-Georges-sur-Meuse, voilà. Alors Saint-Georges-sur-Meuse, mais nous sommes ici à Saint-Georges depuis 2006, mais je brasse moi depuis plus de 20 ans maintenant, mais c'était vraiment en très petite quantité. C'était la passion de la bière et on faisait des petits brassins d'une centaine de litres. Maintenant, on est à 2000 litres par semaine. Et on compte bien encore doubler ou tripler la production d'ici l'année prochaine. Mais magnifique, la Botoresse, j'ai hâte de goûter ça. Donc ce sera aussi en place ce jeudi soir. Attention, buffet à partir de 18h. Soit vous vous inscrivez toute la journée, vous venez donc à partir de 12h30 jusqu'à tard le soir. Hein. Ouf, on ne partirait pas avant 23h, sauf pour les plus pressés. 48 euros, cap 48, 48 euros. C'est le prix qu'on vous demande. Tout va intégralement à la association Cap 48, ou alors vous ne venez que le soir, à partir de 18h. Vous goûtez tout ça, et vous goûtez surtout après. Vous vous restaurez l'esprit grâce aux conférenciers. Le numéro de téléphone pour nous rejoindre, pour avoir le numéro de compte, puisque voilà, tout versement est pris en considération à partir du moment où vous versez, vous êtes les bienvenus. Voilà, grand accueil chaleureux. 0477 57 90 55 pour nous contacter. 0477 57 90 55. C'est donc jeudi 6 octobre, ce jeudi, à Mediacité. Bon, nous faisons à nouveau appel au témoignage d'ici quelques instants. Petit cahier d'exercice pour évoluer grâce aux personnes difficiles, avec pas mal de messages qui nous arrivent au 30-63. On tente de vous joindre juste après Delta. Tu te méfies de moi, de ma façon de parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Trouve une place dans les mémoires. On partage le même territoire. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères.

14h15h, la vie du bon côté. Bon, on a beaucoup de témoignages, donc on ne fait pas beaucoup de théories. Enfin si, hein, parce que malgré tout, quand vous parlez aux auditeurs, vous en faites. Moi, j'avais relevé quand même des choses intéressantes dans votre livre qu'il faut absolument souligner, je trouve. C'est comment, la page 46, vous donnez des exercices sur comment apprendre à vivre dans la plénitude de la beauté des besoins, même quand ils ne sont pas assouvis. Vous parlez aussi du développer l'art de faire comme si. Ça, j'avais souligné trois fois. L'art de faire comme si. Voilà. Alors, j'ai envie de commencer par une petite histoire. C'est l'histoire de... On a pris deux groupes de pianistes. À un groupe, on a demandé de, effectivement, bouger le petit doigt pour soulever un poids pendant un mois, autant de minutes par jour. Et à un autre groupe, on a demandé de penser qu'il soulevait le petit doigt de la même façon que le groupe qui le faisait effectivement. Et après un mois, on a remarqué que le groupe qui avait fait le geste avait musclé de 30% et celui qui avait pensé le geste avait musclé de 23%. Tout ça pour dire que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on fait effectivement ou ce qu'on vit effectivement et ce qu'on imagine. Et donc, c'est très très important dans les situations de vie où on n'arrive pas à trouver sa joie de vivre, à apprendre à faire comme si. C'est développer l'art de vivre certaines qualités du vivant, comme la liberté, je sais pas moi, la joie, comme la gratitude. Et pour faire ça, il suffit de s'asseoir un moment avec soi et de se demander comment ça serait dans ma vie si je me sentais plus libre ou si je me sentais plus aimé, et puis de voir « Ah, je serais détendu », et de vivre la détente, et puis « Ah, je serais comme plus assise, plus centrée », et de vivre ce centrage. Et à force de faire comme si, je vais créer des nouvelles connexions synaptiques dans le cerveau, et ces connexions synaptiques vont ensuite transmettre certaines informations à tous les récepteurs de mes cellules. Je vais avoir une meilleure santé, un meilleur vécu émotionnel, et je vais aller vers plus de joie et plus d'énergie. Et aussi, j'enverrai dans le champ quantique, dans l'énergie de l'univers, une autre signature électromagnétique de moi-même. Ça, on en parlera peut-être un autre jour. Ça va devenir compliqué. Je vais quand même prendre Catherine, parce que je ne voudrais pas non plus la stopper dans son élan, parce que vous avez des choses à dire. Catherine, bonjour. Oui, bonjour Sylvie, bonjour Anne. Ça vous parle, ça, je pense, ce que Anne vient de dire là, et ces mots-là, évoluer grâce aux personnes difficiles, vous le transposez comment, vous, dans votre vie, Catherine ? Alors, moi, en fait, en écoutant ce thème-là, j'ai tout de suite une image de ma grand-mère qui m'est venue en tête, en fait, chez qui j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance. Et par rapport vraiment au thème d'évoluer grâce, je mesure, en fait, aujourd'hui, à quel point ce qui était difficile à l'époque, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui avait comme valeur première le travail, l'effort, donc j'avais des tâches à faire tous les jours. C'était un contexte assez dur, où mes besoins de douceur, de tendresse n'étaient pas vraiment comblés avec ma grand-mère. Et je mesure à quel point aujourd'hui ça a forgé vraiment aussi ma détermination, ma force de vivre. Et j'avais envie peut-être d'entendre Anne sur un sujet par rapport à ça, c'est que j'ai ressenti vraiment un besoin à l'âge adulte, de retrouver de la tendresse vis-à-vis de cette personne, parce que des parts de moi restaient quand même encore dans la tristesse ou voilà, dans l'incompréhension. Et j'ai vraiment ressenti ce besoin de me reconnecter à elle de manière beaucoup plus douce, justement, comme je n'avais pas pu le faire dans mon enfance ou dans mon adolescence. Et ça s'est passé ou pas ? Mais oui, puisqu'on a fait un jeu de rôle de grésion en nous deux, très chère Anne. Oui, mais je n'osais avec pas vous. Dire ah, ça. Avec vous, Anne. Catherine, c'est à toi de le dire. Avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait quoi? Mais ça, c'est à Catherine à partager. Ah, parce que Catherine, c'est son vous avez fait histoire. Quoi? Eh bien, donc, en fait, je ressentais vraiment qu'il y avait encore des parts de moi qui étaient dans la tristesse, qui étaient dans l'incompréhension. Et vraiment, c'était un besoin de me reconnecter vraiment à une tendresse, quoi, un lien de connexion beaucoup plus doux avec ma grand-mère, parce que j'étais encore réactive par rapport à certaines choses qui s'étaient passées. Et je sentais que ça avait conditionné une part de mes réactions aussi dans ma vie, et dont je ne voulais plus. Et donc, j'ai demandé à Anne de faire un jeu de guérison dans le cadre de ses journées à Athènes. Et donc, elle est rentrée dans la peau de ma grand-mère. Oula, et moi, je suis restée, moi. Et donc, voilà, on a fait un chemin ensemble. Oui, en fait, je vais juste préciser que ce qui s'est passé... J'allais vous demander après ce que c'était, hein, exactement. Oui, justement, un jeu de rôle de guérison, c'est un jeu dans lequel j'endosse pour un temps la peau d'une personne, mais avec sa compassion, C'est-à-dire qu'au-delà de nos blessures, moi je fais le pari que tout être humain a de la compassion et de l'amour. Et donc j'ai pu écouter, la grand-mère a pu écouter l'enfant, à savoir Catherine, dans ce qu'elle a souffert. Et il y a quelque chose du coup qui s'est transformé. La grand-mère a pu expliquer pourquoi cette valeur de travail était si fondamentale. C'est parce que là derrière, c'était sa manière à elle d'aimer, à cette grand-mère. Et de dire à sa petite, si tu travailles et tout, ben, ça va te forger, tu vas être forte pour... Voilà, chacun fait avec les moyens du bord et le niveau de conscience qu'il a au moment même. Mais c'est vrai que ces jeux de rôle de guérison, comme on les utilise en tout cas en communication non violente, sont très guérisseurs. Ah, jeu de rôle de guérison. Merci Catherine d'avoir parlé de ça. Et c'est vrai que ben je vais mettre votre site internet hein, sur la page Facebook, puisque vous, dans ce que vous faites au niveau de la communication non violente, je suppose que c'est par rapport à ça. C'est ça. Quoi, hein, oui, on a été formé à ça. Moi, je pratique ça depuis une vingtaine d'années. Okay. Et je trouve que c'est un outil pour la personne qui rentre dans la convention, qui en une heure peut faire des miracles et guérir des peines qui sinon restent à un niveau mental et restent incrustées dans la personne et l'empêchent d'être dans la paix par rapport à un être qui, par exemple, se libérer, est déjà parti. Se libérer. Catherine, merci. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez intervenir. Des situations difficiles à vivre, des personnes difficiles à vivre qui sont, difficiles tout simplement. Le à vivre, c'est moi qui le rajoute, mais des personnes difficiles. Comment finalement faire face, mais surtout comment évoluer grâce à ces personnes, on en parle depuis 13 heures. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And Houston sur Vivacité. Dans cette émission, la vie du bon côté, on vous présente ce petit cahier d'exercice pour évoluer grâce aux personnes difficiles. Ça dit bien ce que ça veut dire, hein. Petit cahier d'exercice avec pas mal d'exercices pour comprendre aussi notre façon d'appréhender notre responsabilité. Vous posez des questions. Que considérez-vous dans ce qui suit? Là, vous donnez toute une série de choses comme faisant partie de la vôtre de responsabilité. Donc, il faut s'armer d'un stylo, hein. Oui, il faut écrire et faire le point. Voilà, c'est ça, c'est une petite mise au point. Oui, un petit bilan. Et autant sur mes limites que sur celles que je repère dans les relations dans lesquelles je suis. Bien sûr. Le but de ce cahier, bien sûr, c'est évoluer en sagesse, c'est exercer sa bienveillance, c'est être sans attente, ça aussi, hein, les attentes, c'est chercher peut-être vous parlez de besoins inassouvis au sein de notre relation, hein. Ça peut être difficile aussi. Mais oui, c'est ça la difficulté. C'est quand même quand on se met en relation, par exemple, avec un partenaire ou une partenaire de vie, c'est qu'on espère qu'on va assouvir mutuellement des besoins. Aussi. Alors évidemment, on est dans les attentes. Alors c'est facile à dire, lâcher les attentes. C'est quand même assez naturel qu'on en ait. Mais si on est trop agrippé à ces attentes et qu'on s'y accroche comme un chien à son os, ça finit par créer des difficultés. Vous parlez du lâcher-prise, vous dites à la page 56, lâcher, ce n'est pas se résigner, c'est s'ouvrir à d'autres possibles. Quand on lâche prise en toute liberté, notre paix, notre confort personnel, notre amour grandissent. Un vrai lâcher-prise est douloureux, dites-vous, mais il s'accompagne d'un sens de justesse et d'ouverture au vivant. Et même si on fait le deuil d'une relation aimée, et tout à l'heure je vous ai lu un message justement de quelqu'un qui avait fait le deuil d'une relation aimée et qui malgré tout se dit « je suis quand même un peu dans le regret d'avoir manqué de courage, d'avoir pas pu aider cette personne qui pendant 3 ans quand même nous a fait vivre, il n'y a pas dit le mot enfer, hein, mais on a bien compris que c'était une situation difficile. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez intervenir sur le sujet. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Di, des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Di, faites-vous plaisir. Créfell. Les prix cadeaux, le service et la qualité Créfell, c'est Créfell. Profitez-en maintenant, Créfell. Les meilleurs prix, service compris. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED, LED, électro, Hi-Fi, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, infos et tickets sur europeanopen.be. Infos et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Les maîtres boulangers se lèvent à l'aube pour vous préparer un petit déjeuner d'une qualité unique chaque jour. Ces passionnés sont mis à l'honneur la semaine prochaine sur Vivacité. Écoutez les matinales et vous remporterez peut-être votre petit déjeuner croustillant durant plusieurs semaines. En collaboration avec la PACW et les maîtres boulangers pâtissiers de votre région. Artistes et maîtres boulangers pâtissiers. La passion est au cœur de nos métiers. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Pascal nous écrit, Sylvie, c'est moi qui suis difficile. Donc hein, voilà, oui, tout à l'heure je disais, il y a peut-être des personnes qui vont intervenir en disant, oui c'est moi la personne difficile. Elle dit, pour le coup là, c'est moi qui suis difficile en effet. Je pète des cases pour un rien, si on fait ou dit quelque chose qui ne me plaît pas. Alors je dis toujours, je suis le feu, mon mari est l'eau, et pour éteindre mon feu, quel courage il a parfois. Parce moi, je trouve ça merveilleux. C'est déjà, pour moi, c'est la deuxième étape de l'évolution. La première chose, c'est je suis inconscient que je ne suis pas idéal pour quelque chose. La deuxième étape, c'est je deviens conscient qu'il y a des difficultés en moi. Et la troisième étape, c'est moyennant un travail sur moi, j'arrive consciemment à modifier certaines attitudes. Et la quatrième étape, c'est que ça devient inconscient, comme quand on conduit une voiture. Ce que je voudrais dire, c'est donc chapeau, cette personne est dans la deuxième étape. Et ce serait très beau, j'espère, qu'elle écrit de temps en temps des lettres de gratitude à son mari pour lui dire merci d'être l'eau alors que je suis le feu. Oui, je pense. Et puis je trouve que ce serait bien d'écrire aussi une lettre de beauté à elle-même peut-être, et d'émerveillement à elle-même, et de mesurer qu'elle est authentique en tout cas, qu'elle se regarde en face. Enfin voilà, c'est déjà... Quelques petites pistes. On a aussi ce genre de témoignage. J'ai été, Sylvie, 2 ans avec une personne pervers narcissique. Depuis la rupture, je n'ai jamais autant appris sur moi-même qu'auparavant. Grâce à cette personne, elle utilise le mot grâce, grâce à cette personne, j'ai découvert une bonne partie de mes failles, donc la peur de l'abandon sur laquelle cette personne s'est fortement appuyée. Et à présent, je suis beaucoup plus consciente de la vie et j'apprends enfin à me connaître et à m'aimer. Voilà, ça c'est un des points clés que je mets au départ du petit livre, du petit cahier, c'est d'avoir la lucidité quant à qu'est-ce qui fait que je suis dans cette situation. Et puis ensuite, comment je peux grandir dans cette situation, et c'est ce que cette personne a fait, elle en a retiré le joyau, la perle. On va essayer de joindre cette personne. Encore un message, je suis une personne dite difficile de par une pathologie de bipolaire soignée depuis 20 ans. Je suis mariée, avec enfant. Quand je me retire du monde, je ne parle plus, ou inversement, je suis très énervée. Et sur les dents, pendant un mois environ, je ne le veux pas, mais c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Mon mari l'a compris, et surtout a compris que même durant ce temps où je me retire, où je suis extrêmement en colère, je l'aime toujours. Voilà. C'est merveilleux que le mari le sache. En même temps, c'est vrai que c'est difficile. Et là, j'aurais à recommander les outils de pleine conscience. Et le premier outil de pleine conscience, c'est l'écoute de soi. Comment je me sens et à quoi j'aspire. Et qu'elle puisse régulièrement écouter comment elle se sent, de façon à pouvoir percevoir quand elle est en train de glisser vers le côté plutôt solitaire et dans ma caverne, ou vers le côté énervé. Parce qu'alors elle va peut-être pouvoir repérer des besoins non assouvis et ce qu'elle peut faire plutôt que de faire des dégâts dans l'entourage ou à elle-même. Reconnaître dès le départ, dites-vous Anne, le fait qu'il y a 2 acteurs engagés dans la relation. 2 profils, 2 versants. Voilà. Toujours se dire, en effet, c'est pas toujours l'autre qui, c'est je suis engagée aussi dans cette relation. Éviter autant que possible, vous dites, la posture de victime pour devenir acteur responsable de notre vie. Plus de victimes, plus de bourreaux. Vous dites ça aussi. Oui. Hein, et je voudrais quand même rajouter que souvent, les personnes qui se croient victimes deviennent des bourreaux parce que ces personnes-là n'arrêtent pas de se plaindre, de dire aux autres que les autres sont le problème. Et ça, tout en se croyant très honnêtement victime, on devient très facilement le bourreau de l'autre. Et par ailleurs, je pense que c'est très très important si on veut que, quelles que soient les relations professionnelles, personnelles ou enfin familiales, qu'on puisse chacun voir sa part d'ombre et sa part de lumière. C'est sûr, vous donnez des exemples. Vous dites par exemple, si quelqu'un dit « tu es égoïste », au lieu de le juger en retour, je peux me demander « est-il... Ah, j'ai surflioté, donc je ne vois plus. Est-ce qu'il est déçu, par exemple ? Voilà. Est-ce qu'il est déçu ? Est-ce qu'il a besoin de croire qu'il compte ? Déjà, voilà. Qu'est-ce qui compte ? Oui. Quand on tente de comprendre. Est-ce qu'il compte ? Pardon. Oui. Quand on tente de comprendre, dites-vous, au lieu de juger, cela engendre pour nous 2 conséquences positives. Alors, ça engendre des tas de conséquences positives. La première, si je peux essayer de comprendre l'autre, ça me fait grandir. 2, ça me rend plus intelligente. 3, ça m'adoucit, parce que je ne vois plus l'autre comme un ennemi qui est un égoïste ou qui regarde le foot ou qui a son ordi ou quoi. Je le vois comme un être humain. C'est moi que ça aide. Mm-hmm. Parce que, comme je le disais tout à l'heure avec les pianistes, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que je fais à l'autre et ce que je vis réellement ou ce que je pense de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que si je pense quelque chose de négatif de l'autre, les récepteurs de mes cellules reçoivent aussi de la toxicité. Et maintenant, c'est prouvé que si je pense négatif, à peu près en 3 minutes, le corps sécrète environ 1200 substances, j'ai bien dit 1200 substances qui sont toxiques. Mmh. Voilà, pour soi. Oui, mais voilà. C'est du concret parce que c'est prouvé scientifiquement, hein, et oui, encore ça, une c'est fois. Important. Donc parfois on dit, Sylvie, oh, l'invitée, elle a dit quoi encore, les cellules et tout. Mais c'est prouvé. Alors, les références, voilà. Si vous voulez un livre très scientifique et en même temps qui vole très haut, je vous recommande le livre qui s'appelle « Rompre avec soi-même » de Joe Dispenza. Il parle de tout ça avec beaucoup de côté, voilà, d'expériences scientifiques, de références aux meilleures études qui ont été faites dans le monde à ce sujet, c'est-à-dire l'impact de nos états d'âme négatifs sur notre santé. Mais parfois, c'est bien de le rappeler. Vous voyez que tout ça est prouvé. Juliane Peretta avec Miracle sur Viva continue à témoigner. 070 23 33 23 SMS 30 63. Qu'est-ce que ça suscite chez vous, ce genre de réaction ? Across the sun and above the clouds,

Vivacité vous invite à l'avant-première du film d'animation Cigogne et compagnie. Les cigognes ne livrent plus de bébés. Des personnages déjantés dans une aventure décoiffante. Ça c'est une caille, ça un émeu, il y a un poulet, rien de tout ça ne vole. Pour y assister, le 9 octobre à 11h à Bruxelles ou à Liège, composez le 0905 56 471 50 cents par appel. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Anne Van Stappen en est l'auteur, elle est conférencière, elle est formatrice certifiée en communication non violente depuis pas mal d'années. Vous êtes l'auteur notamment de Ne marche pas si tu peux danser, d'autres petits cahiers d'exercices parus chez Jouvence, mais on s'intéresse encore une fois à celui-ci qui, malgré tout, fait couler pas mal d'encre quand je lis les messages reçus. Évoluer grâce aux personnes difficiles, c'est possible puisque vous sortez ce petit cahier d'exercices pour nous y aider. Jérôme, bonjour, bienvenue Jérôme. Oui, bonjour. On parle de situations difficiles en ce qui vous concerne, plus encore difficile. Que personnes difficiles. Ouais. Sortir. Bonjour Anne et Cécile, je crois. Bonjour Jérôme. Tout à fait. Oui. Sortir d'une situation difficile, Jérôme, en ce qui vous concerne. Oui, je vais commencer par le début. J'ai 43 ans et quand j'étais ado, j'ai vécu pendant une bonne dizaine d'années des situations très violentes avec une adolescence compliquée, de délinquance et des drogues aussi, différentes choses, vraiment très très néfastes pour moi en tout cas. Mmh. Ce qui m'a permis surtout à l'époque de pouvoir avoir un espoir, c'était de suivre une personne qui pouvait être une personne sainte. Et je me suis tourné à cette époque-là vers une personne qui était bouddhiste, un maître bouddhiste, et avec lequel j'ai appris à méditer, appris à réfléchir, à faire de l'introspection sur mon mental. Et en fait, ça a permis vraiment d'éliminer... mon travail était... J'ai appris à éliminer mes pensées négatives. Mmh. Et ça a été petit à petit remplacé par des pensées positives, remplies d'amour, de compassion, de bienveillance, d'échange. Et ça a vraiment été un changement radical chez moi. Wow. Donc, j'ai été très bref. Hein, donc, vous avez trouvé la bonne personne au bon moment ou ça aurait pu pas être elle, quoi. Ça aurait pu, vous auriez pu continuer. Oui. Effectivement, ça aurait pu être une autre personne. Je pense qu'après ça, j'ai eu beaucoup de chance. Mais en même temps, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas vraiment. Je crois que j'avais décidé, je pense que c'est parti de là aussi, de plus continuer sur ce chemin. Et je pense qu'à l'époque, j'avais quand même une référence. Étant jeune, à 12 ans, je voulais être baptisé. Donc je croyais au message de Jésus. Ça concernait justement l'amour envers son prochain et toutes ces valeurs-là, en fait. Il a décidé. C'est important, ça, Anne, d'entendre ce mot. Oui, effectivement, je crois qu'on a des jalons de soutien sous forme de personnes qui nous donnent de l'amour ou qui nous apprennent de la méditation ou quoi. Et en même temps, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas, à un moment donné, quelque chose en nous qui dit stop, maintenant je change et je m'ouvre à autre chose... quelqu'un qui nous aide ne peut pas le faire sans notre coopération et notre engagement personnel. Et c'est ça que j'aime dans ce que Jérôme partage. Et aujourd'hui, dans votre évolution, Jérôme, dans votre chemin de vie aujourd'hui disons que c'est vrai qu'après ça, ça m'a servi, mais il faut aussi avoir, je pense, une compréhension. Enfin, pour ma part, ça a été une compréhension intellectuelle. Donc je me suis réveillé quelques années plus tard en étant tout à fait posé et calme, et j'ai voulu faire une introspection antérieure de ce qui s'était passé. Ah, oui. Et là, c'est venu éveiller en moi des choses difficiles à vivre, et j'ai dû travailler là-dessus avec d'autres méthodes. Et la méditation était juste une méthode qui est directe, en fait. Toute personne qui peut se poser et se recentrer a la faculté d'analyser, de se calmer, et ainsi de suite. Mais maintenant, au-delà, il y a des traces. Donc j'ai mis du temps, et puis différentes choses se sont offertes à moi. C'était partie du chemin aussi, le fait d'avoir déjà... d'avoir pu m'ouvrir à cette époque-là, m'a ouvert sur d'autres personnes, d'autres courants de pensée, d'autres... Et effectivement, ça a permis de délier certaines choses. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux. Et en plus, avec les sciences aujourd'hui qui changent totalement, notamment comme Anne l'a dit tout à l'heure avec Joe Dispenza, qui explique très bien le fonctionnement humain, enfin du cerveau, et toutes les implications que ça a dans le corps, dans notre façon de réagir, d'être... C'est vraiment... très intéressant d'allier aujourd'hui le côté mystique, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça, ça s'apparentait vraiment au côté mystique, alors qu'aujourd'hui, la science démystifie un peu toutes ces choses-là et qu'ils viennent, pour finir, pour moi, le bouddhisme, c'est une science en soi, le monde de l'esprit. Exact, et on est en train de démystifier justement toute cette spiritualité, d'en montrer le côté scientifique, cartésien et prouvé. Et en tant que médecin, moi, j'adore ça. Ben, moi aussi. Ouais, ben, oui, c'est vrai. Ouais, vrai. Vous êtes bien placé pour le dire. Merci en tout cas, Jérôme, pour votre magnifique témoignage. En quelques instants, on parle santé dans cette émission. Le plus impatient des réseaux présents. Ah, attends, attends, quoi. En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah! Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Le plus impatient des réseaux présente. Ah, attends encore. Sois pas si impatient, toi dis. Vivacité présente la semaine numérique. Hashtag cool, apprenez à décoder les nouvelles technologies et bien plus lors de la semaine numérique du 10 au 21 octobre. Hashtag c'est bientôt. Youpi! Participez à des centaines d'activités en Wallonie et à Bruxelles. Hashtag c'est pour tout le monde, pas que pour les geeks. Hashtag lol. Plus d'infos, lasemainenumérique.be. Le plus impatient. Attends, quoi? Bon. Le plus impatient. Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Médiacité présente le mois du sourire ensemble pour Cap 48. Tous les mercredis et samedis, activités ludiques de sensibilisation. Je vous donne rendez-vous avec d'autres personnalités RTBF pour battre le record du monde et former tous ensemble le plus grand sourire humain. Je compte sur vous le samedi 8 octobre dès 13h30 sur la Piazza de Médiacité. Info sur cap48.be. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. C'est possible. Pour réécouter les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur vivacité.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Avec les personnes difficiles. C'est le sujet du jour, en effet, aujourd'hui avec Anne Van Stappen. Mais comment vivre vieux avec des personnes difficiles, finalement? Vous avez votre place aussi, docteur Georges Van Snick, dans cette émission. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Sylvie, n'hésitez pas à m'appeler Géo, qui est le diminutif de j'ai oublié mon cartable à la maison. Et n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Docteur Géo, en effet, qu'on retrouve tous les jours dans l'émission Vitamine avec Adrien De Viver à 17h10. Bon, vivre vieux, donc ça nous intéresse vraiment aujourd'hui de parler de cela. Bon, il y en a qui vont peut-être dire, ah ben moi tous les jours, je prie peut-être pour vivre vieux, je demande à l'univers. Bon, ça c'est une chose, mais il y en a d'autres. Fonctionne, et ça fonctionne, Sylvie. Mais pourquoi pas? Alors, pourquoi ça fonctionne. Par ça. Il y a une étude qui est sortie en 1960 et qui montre que les vrais chrétiens, les vrais musulmans, les juifs, tous ceux qui pratiquent une activité paroissiale, je dirais, vivent plus vieux que les autres. Alors, c'est assez étonnant parce que vous allez me dire, ok, prier pour vivre vieux, c'est ambigu. Mais en fait, on s'est rendu compte, bien sûr, que cette étude était biaisée et qu'elle est liée aux conditions alimentaires qu'on utilise. Mmh. Ce qui veut dire que si vous êtes pratiquant, ben, si vous êtes musulman, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas d'alcool. Si vous êtes juif, vous allez manger peu de, ou pas du tout de cochon, qui est quand même une des viandes les plus grasses. Mmh. Si vous êtes catholique, vous allez manger du poisson le vendredi. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Oui, ben, c'est vrai. Être un peu plus spirituel, ça, c'est vrai qu'on fait plus attention à ce qu'on a dans notre frigo. Bon, vous avez cité, évidemment, les choses grasses, le tabac, l'alcool, on y reviendra. Ben, il faut faire évidemment attention à tout ça. Hein. C'est un savoir-vivre. Alors, oui, mais si vous êtes spirituel, en plus, vous serez tout le temps de bonne humeur. Donc, ça n'empêche pas. Mais la vraie solution, c'est d'arrêter de fumer. Ah. Si vous arrêtez de fumer à 60 ans, vous gagnez 3 ans de vie. Si vous arrêtez à 50 ans, vous gagnez 6 ans de vie. Pardon. Et si vous arrêtez à 30 ans, vous récupérez 10 années d'existence. En sachant que le tabac tue 2 fois plus que tous les accidents de voiture en Belgique. Bon, ça fait peur, mais en même temps, c'est bien de le dire, hein, c'est bien de le rappeler. Merci docteur Van Snick, on vous retrouve tout à l'heure en télé 17h10 sur la 2 et puis demain en radio à cette heure-ci. Dans la vie du bon côté, à demain. À demain. to feel elastic. Nasty. I close my eyes, but the music will loud. It's the only way I know to write this down out. You can cry until the break of dawn. Keep screaming till your pretty voice is gone. I'm hiding in a song. La, la, la, la. La, la, la. I'm hiding in a song. C'est leur dernier titre. Ah, on a encore beaucoup de messages reçus maintenant. Sylvie, j'ai vécu des choses difficiles. J'ai été difficile. C'était difficile à l'intérieur et à l'extérieur de moi. J'ai cherché et trouvé des voies en moi et autour de moi. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse et je me réalise pleinement dans mon travail de thérapeute. Step by step, le chemin d'une vie et de remous à apprivoiser, à transformer. Je n'ai rien à ajouter. Beau. Autre message de Nancy, je vis avec mes beaux-parents, ils sont italiens, ont gâté beaucoup trop mes enfants. Résultat, ils n'obéissent pas facilement. Il faut leur demander plusieurs fois la même chose. N'est qu'en criant ou en les menaçant qu'on obtient quelque chose d'eux. Je n'arrive plus à leur parler calmement. Je crie sans m'en rendre compte, car je sais qu'ils ne feront pas tout de suite ce que je demande. C'est très frustrant. Pouvez-vous m'aider? Donc là, on est dans une autre, dans un autre contexte familial. On est plus dans la communication non violente pure. Oui, voilà. C'est votre domaine. L'écrit, ça peut peut-être faire obéir à court terme, mais à long terme, ça ne crée pas un climat familial de confiance et de désir de coopérer. Et si mon enfant coopère parce qu'il en est obligé, ça va quand il est petit, mais plus il grandit, moins on pourra le contraindre. Donc je crois que c'est important d'écouter les besoins de l'enfant. Un enfant qui refuse d'obéir reste un être humain avec des sentiments et des besoins. De faire entendre nos sentiments et nos besoins et de coopérer, de prendre des moments pour créer un climat de confiance et ensuite décider en fonction des besoins autant des enfants que de ceux des parents. Et parfois les parents sont dans l'exigence et doivent décider parce que ça fait partie de la structure de la famille. Mais si c'est trop souvent, on va perdre l'enthousiasme et l'élan de donner son obéissance à partir du cœur. Et quand un enfant obéit sous la contrainte, on sera toujours perdant au bout du compte, tant dans sa structure personnel, son cerveau, etc. Il y a des tas d'études faites par le docteur Guéguin, notamment là-dessus, Catherine Guéguin, pédiatre, psychopédiatre. Voilà. Oui. Donc c'est important de voir le court terme et le long terme, et alors là, d'apprendre les clés de communication non violente. Les besoins, les souffrances, les peurs, les frustrations, vous donnez toute une liste dans ce petit cahier d'exercice qui va nous permettre de faire le point. Vous dites aussi très facile à porter un bracelet ou un objet qui nous rappelle de nous centrer sur nous-mêmes, faire sonner son portable à intervalles réguliers, c'est pas mal ça. Ou bien placer des post-it dans des endroits stratégiques en disant « Attention, tu t'oublies !» Attention, pense voilà. à toi. Centre-toi sur toi-même. Oui. Bah, c'est bien, c'est tous des petits exercices. Encore une fois, c'est du pratico-pratique et je pense que c'est comme ça que vous l'avez voulu. Petit cahier d'exercices pour évoluer grâce aux personnes difficiles. Armez-vous, non pas de patience, mais d'un stylo. Et emportez ce petit cahier partout, comme ça vous répondrez à toutes les questions qui sont posées et vous pourrez faire une espèce de bilan. Merci beaucoup Anne. Et bonne chance peut-être pour le prix Rossel, parce que je sais que votre roman est présélectionné. Voilà. Ne marche pas si tu peux danser. À la prochaine Anne. À la prochaine Sylvie. Dans merci quelques beaucoup. Instants, l'émission est retour. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Bon après-midi, si vous cherchez du soleil, allez sur les Hauts-de-Fagne, allez sur les hauteurs de la province de Luxembourg. Là, il y a du soleil depuis ce matin, ça va légèrement s'ennuager dans l'après-midi. Par contre, sur le centre du pays, la grisaille persiste, mais on attend des éclaircies en toute fin de journée. Les températures iront de 13 à 17 degrés. Le vent est orienté au secteur nord-est, il est modéré. La nuit prochaine, le ciel va avoir tendance à se dégager complètement. Et demain, on retrouvera du soleil, cette fois sans nuages. Une journée lumineuse mais froide avec un vent d'est qui sera piquant et des maxima qui ne dépasseront plus 10 à 15 degrés. Votre jardinerie pépinière Le Longfond. Pépinière Le Longfond. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le Longfond, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Pépinière Le Longfond. S-C-I-D, portes et fenêtres. Pour tout type de châssis basse énergie, PVC, alu et bois alu, faites confiance à SCID Portes et Fenêtres. Profitez-en. Pour le moment, nous vous offrons le triple vitrage au prix du double. Showroom à Namur, Wavre, Dinan, Nandrin et Uccle. SCID. Plus d'infos sur scid.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Wetsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternate. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Vivacité, il est 15h. L'info, c'est maintenant avec Delphine Reux. Bonjour Delphine. Bonjour, fallait-il vraiment fermer les écoles durant le lockdown de Bruxelles lorsque Bruxelles a été bouclée tout un week-end et plus suite à une menace terroriste? Écolo interpelle en tout cas la ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'hier, l'ancien patron de l'OCAM, l'organe qui évalue la menace terroriste, a été interrogé en commission d'enquête sur les attentats du 22 mars et André Van Doren dit avoir été surpris par la fermeture des écoles bruxelloises. Pour Écolo, il est apparu hier que rien d'objectif ne justifiait cette décision. Écolo réclame donc des explications à la ministre Marie-Martine Schins. Se prendre en photo et payer, Mastercard lance le paiement par selfie en Belgique et dans 11 pays européens. Le détenteur d'une carte Mastercard